Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Quelques idées de sortie pour l'été à faire en famille ou avec ses enfants ou ses amis. Eh bien, le CPIE de Nancy-Champenoux nous propose diverses possibilités. Mélanie Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission pour le CPIE de Nancy-Champenoux. Avant de lister un peu ce que vous nous proposez pour juillet et août, le CPIE en quelques mots. Le CPIE, c'est le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Donc, c'est une association de loi 1901 et on favorise depuis 25 ans des comportements respectueux de l'environnement et on participe également à la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel local. Donc, on privilégie une approche de terrain. Donc, on met tout en œuvre dans des démarches à la fois participatives, ludiques, sensibles et expérimentales qui sont fondées sur une connaissance réelle de la diversité, du fonctionnement et de l'évolution des écosystèmes. Donc, les déclinaisons d'accompagnement sont multiples. On travaille beaucoup avec les scolaires, donc en leur proposant des animations, des sorties nature. On fait aussi beaucoup de sorties grand public, des chantiers participatifs, des inventaires naturels, et des conseils en gestion de milieux naturels auprès des entreprises. Et on a aussi des animations sur des programmes de recherche participative, comme par exemple CITIC, qui est une recherche participative sur la prévention des piqûres et l'écologie des tiques. Vous touchez un public très très divers en fait. Hein, oui, on commence à la maternelle pour les scolaires jusqu'au lycée. Et puis après, tout le grand public, famille, adultes, voilà. On fait aussi des formations avec les enseignants, des écoles, etc. Alors pour l'été, c'est plutôt un public d'enfants, de familles et d'adultes vous allez toucher. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on va commencer bien sûr avec un point sur ce mois de juillet. On va pouvoir voyager un peu sur la région nancéenne avec vous. Bien sûr, à l'Arboretum d'Amance. Bien sûr, donc ce sera le dimanche 10 juillet, ce sera sur la reconnaissance des arbres, ça sera savoir identifier 20 arbres à coup sûr. Donc en fait, cette sortie est faite pour apprendre avec des vrais outils de détermination une vingtaine d'arbres originaires de nos forêts, voilà, des trucs et astuces, anecdotes qui permettront de compléter les connaissances des personnes sur une vingtaine d'arbres. Dites-nous un peu quel temps fort nous attend ce mois-ci. Sur le mois de juillet, donc effectivement, on sera sur le bassin de Pompée avec une escapade nature, donc le 13 juillet par exemple, sur les hauteurs de l'Yverdun. On sera aussi au plateau de Malzéville. Ensuite, le 19 juillet, on va partir sur les hauteurs de Christine au niveau du Belvédère, où là, par contre, on pourra faire un petit pique-nique tiré du sac. Donc, on essaye d'innover un peu pour que ça soit plus convivial entre les participants. Le mercredi 20 juillet, donc, on retourne sur le plateau de Malzéville. Après, on va faire aussi des petites soirées. Donc, il y aura le 22 juillet où on sera sur les bords de Meurthe, donc au niveau de les Saint-Christophe, sur le lieu-dit le Moulin Noir, donc le long de la Meurthe, pour découvrir et observer donc les richesses de la nature au coucher du soleil. Et puis l'étang de Méré à Bouxières-aux-Dames. Là, en fait, on va faire une boucle. On va partir de l'étang de Méré à Bouxières-aux-Dames pour rejoindre la pelouse sommitale du village. Il y aura une petite balade au cœur d'un vallon forestier. Une sortie aussi possible à Marbache le 30 juillet. Les mille et une richesses de l'étang de la Gargouillotte. Donc à Marbache, il y a un petit étang qui est caché sur la commune, qui réserve mille et une richesses. Les participants seront accompagnés d'un animateur du CPIE et ils vont apprendre aussi à identifier amphibiens, libellules. Après un mois de juillet riche en animation, le CPIE propose également des sorties fin août à partir du 24 août. Donc on refait une soirée découverte, donc ce coup-ci ce sera à l'étang de Bellefontaine, donc qui est un ENS, un espace naturel sensible. On repropose aussi un petit pique-nique tiré du sac pour profiter de toujours de ce moment convivial et puis être plongé vraiment au cœur de la biodiversité que possède l'étang de Bellefontaine. On refera la même sortie sur l'étang de Méré, donc le samedi 27 août, pour ceux qui auront raté celle du mois de juillet. Et pour finir, on ira donc à Pompée, donc à l'ombre des forêts de hêtres, pour parcourir donc le sentier de la forêt qui se trouve au niveau du plateau de l'Avant-Garde. L'arboretum reste ouvert aussi cet été ? Oui, alors l'arboretum, depuis bientôt un an, en fait, est ouvert au public tous les jours de 9h à 18h à peu près. En toute autonomie, vous pouvez aller vous promener à l'arboretum d'Amance sans souci. Alors si on peut se promener à l'arboretum tout en liberté, est-ce que pour les animations que vous nous avez citées pour juillet et août, il est nécessaire de s'inscrire et comment fait-on si oui ? Alors, il faut s'inscrire à toutes nos sorties, déjà pour savoir le nombre de personnes qu'il faut qu'on attende, puisque c'est des sorties qui sont familiales, tout le monde peut amener ses enfants. À partir du moment où ils marchent ou s'ils peuvent être portés, les enfants sont les bienvenus. Pour s'inscrire, il faut soit nous téléphoner au numéro du CPE, donc au 03 83 31 63 76, ou s'inscrire par mail, donc sur notre boîte mail, inscription, donc en minuscule au pluriel, @cpe54.com. Voilà, deux possibilités voilà. Donc pour s'inscrire et puis oui. Pour participer à ces différentes sorties. Un dernier mot peut-être ? Voilà, on vous espère nombreux à nos sorties, profitez du beau temps en partageant des moments de convivialité au sein de la nature et faire le plein de découvertes. Merci beaucoup Mélanie Berger. Merci. Fadjet, c'est l'été en Lorraine.